verre ou deux là. Mais un verre. Quelqu'un veut du coca? Oui, il y a un. Attends, c'est ça. Merci. Tu veux du coca, Noël? Bon, bah, la vôtre à toutes. Et je vous laisse vous installer. On va commencer. On va pas rester assis au même endroit de toute façon. Hein. Les chaises vont bouger, on va se déplacer. Voilà. C'est bon, tout est bon, ok. Mais Mélissa, tu prends place là autour du cercle, s'il te plaît. Bon. Tu viens, Faden? Viens t'installer là, on va commencer. Vous pourrez revenir, on va rebouger, hein, on va pas passer toute la soirée assise, donc vous pourrez revenir manger, boire, comme vous voulez. Alors, ben, d'abord, avant de commencer, bienvenue. Pour les portables, vous vous gérez pour les portables, ce serait bien qu'on soit pas interrompu, vous mettez en silencieux, en mode avion, comme vous voulez. Cool, merci. Vous avez peur de planter, il y a la fenêtre aussi. Le jeter par la fenêtre, j'ai cru que tu me dis. Déjà, on voudrait commencer par vous remercier et vous dire bravo d'être là à toutes, parce que je sais que c'était pas facile d'être présente ce soir, de rencontrer des personnes qu'on connaît pas, on sait pas, voilà, ce qui va se passer. Donc, vous avez toutes fait preuve de courage en étant là, donc je vous félicite, on vous félicite avec Franck, et puis on vous remercie. Et puis du coup, on se dit juste les choses comme on se les est dites à chaque fois, c'est que donc on est là, chacun s'exprime pour parler de lui, voilà, on a tout le droit à la parole, on a le droit d'être pas d'accord, tant qu'on se respecte, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On essaye de s'écouter, j'ai repris le micro, je verrai ce qu'on en fera. En fait, on va décider un peu ce soir ce qu'on va faire de tous ces enregistrements-là, voilà. Et puis, avant de se lancer dans un petit débat, donc vous savez, donc, je ne sais pas si vous avez toutes vu, mais les thèmes qui ont été retenus, il y en a deux en tête, c'était réseaux sociaux et réputation. Donc on a voulu les garder les deux parce qu'on trouve qu'ils sont liés. Voilà, vous nous direz si vous étiez d'accord ou pas avec cette idée de qu'il y a un lien entre les deux. Et donc... J'ai le droit de manger, non? En plus, elle faisait ça discrètement. Ça allait, hein? Donc alors, pour commencer, on va faire deux, trois petits jeux vite fait. Mais alors, c'est des jeux de rapidité, un peu pour faire connaissance. Peut-être vous vous êtes toutes déjà un peu aperçues, vous vous situez, je ne sais pas, voilà, ou pas. Mais donc, l'idée, c'est que voilà, vous avez des choses en commun, vous avez des choses qui ne se ressemblent pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est vous n'allez pas forcément passer la soirée avec votre groupe de là où vous êtes venus. Enfin voilà, on va essayer de se rencontrer un petit peu. Voilà, alors premier jeu, on va essayer de faire le plus vite possible. Je mets un petit plus ici, un petit moins là-bas que Franck installe. L'idée, c'est que vous arriviez à vous classer par âge, de la plus jeune à la plus âgée, le plus vite possible. C'est parti. Eh ben, faut vous parler, hein, vous n'avez pas le choix. Alors vas-y, tu t'installes. Bien sûr. Moi, je dois être entre les deux là. Oui, bah attends. Ouais, bah non, ça changera rien, je serai toujours assez raide. Je suis pas bien loin. Hein. Combien? 35. Ah ouais, je suis 37, entre vous. Alors, si vous êtes de la même année, il faut aller chercher le mois, le jour. Mais le mois, tout. Ah ouais, hein. C'est 2006, je sais pas. Je sais pas. Alors, on va vérifier. Est-ce que vous pensez qu'on est bon là? Vous êtes sûr de vous? Merci d'honorer les radis que j'ai achetés, vraiment. Il y en a une qui honore les radis. Vous êtes sûre de vous? Oui. On va vérifier? Oui. Alors, ta date de naissance, s'il te plaît? 23-11-2007. 4-11-2007. Alors déjà, il y a un problème, là. Oui, vous êtes... Je suis 2007, moi. T'es 2007? Bah oui. Alors, et toi? 7 juin 2007. Juin, donc toi, t'es avant. Attends, donc ça veut dire qu'elle est plus... Ah non, c'est bon. C'est bon, j'étais dans l'autre sens. Alors, janvier 2007. Eh ben, janvier 2007. C'est bon. 18 avril 2007. Qu'est-ce qu'elle a? Comme ça, voilà. Janvier. Février 2006. 2006. 10 juillet 2006. Juillet, c'est l'inverse. Heureusement qu'il est là. Janvier 2006. Janvier 2006. C'est quand, en janvier? Avril 2005. C'est quoi, c'est ok. Avril 2005. Le combien? 28 avril. 25. Oh, de 3 jours, ouais. Non, mais ouais, c'est quoi ça? 28 avril 2002. Ok, ah, mais vous êtes de la même heure. Même jour. Bon, et là, c'est bon. Et toi, Franck, tu te mettais où, alors? Je crois que j'ai plus lieu. Ok, alors, jeu suivant. On va faire, maintenant, ce serait plus sur la ligne, c'est des petits groupes. Par niveau scolaire, classe, c'est-à-dire 3e, 4e, lycée, machin, première année, deuxième année, CAP. On essaye de se regrouper en petits... En petit... Allez. Moi, je suis en terminale, enfin, en dernière année de CAP. Donc, t'es au-dessus. Bah oui, elle est au-dessus. Bah, je sais pas. Et bah, vous pouvez changer. Il n'y a pas d'ordre, en fait. C'est pas une question d'âge. Ouais, non, non, il n'y a pas du tout de... Oui, exactement. Alors, seconde, troisième, alors. T'es dans le groupe des troisièmes. Quatrième. Attends, bah, quatrième. Personne d'autre en quatrième? Non. Donc là, vous êtes toutes en troisième, les filles. Ouais, sauf elle. Et quatrième. Donc là, plutôt là. Plutôt là. T'es là-bas. Clarisse. Pardon, c'est comment ton nom? C'est Mila. Je m'appelle Larisse, madame. Mon vrai nom, c'est Larisse. Ok, troisième jeu. C'est bon, c'est bon. On est bon là, j'ai vérifié. Je crois qu'on est bon. Vous n'avez pas d'école, vous deux? Bah si, mais on est un quatrième. Elles sont ensemble par petits groupes, elles sont à même, même niveau. Troisième petit jeu. Ah oui. Alors, un pays d'origine dans lequel vous baignez dans votre culture. Alors, ça peut être l'équipe de Cannes que vous supportez, ça peut être la langue qui est parlée à la maison. Ouais, donc c'est quoi la question? La culture dans laquelle tu baignes. En gros, t'es l'origine. Voilà. Et on doit se mettre en groupe? Non, c'est plutôt le pays d'origine. Le pays, ouais. En groupe, ouais. Si ça se ressemble, si ça se ressemble pas, vous séparez. Qui a les Algériens? Oui. Alors. Ça a changé. Vas-y, bah viens avec nous. Oui, mais c'est le pays. Mais mon père et mon père. Ah bah voilà, exactement. Merci, bonne question. On se met entre deux. Alors, s'il y a un groupe portugais et toi t'es moitié algérienne, tu te mets entre le groupe Portugal et le groupe algérien. Entre les deux. Voilà. Alors, Turquie, toute seule. Hein? Eh ben, moi aussi, je peux mettre. Je suis un truc, moi, j'ai d'origine italienne. Moi. Mais moi, je suis turque, c'est pas la même chose. Bah oui, non, mais. Les gars, je peux être. Ah, pas. Alors, là, vous êtes toutes ensemble. C'est quoi le groupe? Je vois pas le groupe. Bah, il y a vous deux. Là, c'est Algérie. Algérie. Mais arrête de dire ça comme si c'était la guerre. Ah, non, c'est pas la guerre, mais c'était juste histoire de voir que vous voyez, il y a des points communs ou pas. Ah, des et vous? Marocaine. Ok. Un jeu le prochain jeu? Alors. Française, moi je suis avec toi. Ensuite, votre réseau social préféré? Snapchat. Eh ben, va dans le groupe des Snapchat. Ah, y a qui a Snap? Qui aime Snap? Moi? Snap. Bah, mais tout le monde. C'est pas une guerre là, hein? C'est pas une guerre. Alors, non, mais c'est Hala, mais... Vous êtes d'accord ou pas? Oui. C'est tout bon? Toi, t'es où? T'es entre les deux? T'es Snap? Et là, c'est TikTok? Ouais. Ok. Et là, c'est Strava. Et là, c'est. C'est quoi ça? Les gens qui font du sport. Ensuite. Alors. Là. J'ai 4 camps et vous allez vous mettre dans celui qui correspond le mieux ou entre deux s'il y en a deux qui correspondent. Alors, Les réseaux sociaux, je suis contre, je trouve que c'est nocif, surtout pour les ados. Les réseaux sociaux... Tu demandes si t'as besoin. Les réseaux sociaux, je trouve que les parents devraient plus s'en mêler, ça peut être dangereux. Hop. Ensuite, je suis pour, mais il faudrait reculer l'âge d'utilisation de certains. Et... Et le dernier, c'est top, je suis à 100% pour. Alors, je sais pas, je m'entre deux places. C'est quoi là? C'est quoi? T'es entre. Est-ce que t'es plutôt pour ou plutôt contre? Pourquoi? Les réseaux sociaux. Pour? Eh ben alors, va là-bas, de ce côté. Plutôt de ce côté. Les réseaux sociaux pour toi, c'est top. Tu penses qu'il faudrait reculer là? Tu penses quoi? On peut être entre les deux. Oui, on peut être entre les deux, bien sûr. Peut-être qu'avant 15 ans. Enfin, avant 15 ans. Je sais pas ce que je fais ou pas. Merci, merci, Fadé. Ah, vous êtes toutes au même endroit, c'est rigolo. Alors, c'est quoi? Je suis pour. Moi, je suis entre les deux, moi. Avec Kélia. C'est quoi? Je suis pour. C'est peut-être le trait qui est trop. Ouais, chaud, en fait, il faudrait un trait plus large. Les fenêtres. Il faudrait reculer là. Si, on peut ouvrir les fenêtres. Ok, vous êtes positionnés. Donc là, on est vraiment. Louise, ouais. Elle est contre. Elle a le droit d'être contre. J'ai rien dit. Mais elle n'est pas humaine. Donc, vous êtes plusieurs à vous être positionnés là. Il y en a une qui est plutôt là, c'est entre les deux, c'est pile là. Non, enfin, je suis là. Toi, t'es entre les deux, vous êtes entre nous là, pile poil dedans, et là, entre les deux. Donc, ça devrait, les parents devraient plus s'en mêler. Ok, ça marche. Et il y en avait une dernière, alors. La dernière. Ah non, il y en a deux, je crois, encore. L'avant-dernière, c'est... Alors, il faut mettre des petits papiers par terre. Ceux-là. Je me réveille la nuit pour consulter mon portable. Je me réveille la nuit pour consulter mon portable. Premier papier, toujours. Deuxième papier, régulièrement. Je vais dans le travail. Exceptionnellement. Je me réveille, c'est... Oui, la nuit, pour consulter ton téléphone. Genre la nuit, c'est pas que tu passes la soirée de 6 ans. Non, tu dors et tu te réveilles pour aller voir. Non, jamais en vrai. Ah, il y a des... Oh, c'est totalement extrême, alors ça c'est rigolo. Il y a le groupe des toujours et le groupe des jamais, il n'y a rien entre les deux. En ok. Mode, en mode, vous ne réveillez jamais la nuit, vous allez sur votre bigo? Non. Si, en vrai. Ah régulièrement, mais c'est parce que tu dors pas. Et que tu te réveilles quand je dors pas. Quand tu dors pas. D'accord, tu te réveilles pas exprès. Non, je réveille pas pour votre ok. Une fois que tu vas te coucher, voilà. Ok. Ok, dernière chose, on va essayer de faire ça très très vite. Non, je crois qu'on est bizarre. On se classe en fonction de. Est-ce que vous savez à peu près le nombre d'heures que vous passez sur les réseaux sociaux par jour? Alors, le moins, ouais, regardez sur votre téléphone. Le moins, c'est là et le plus, c'est là. Vous avez entendu la dernière question? Oui, c'est regarder. Ah, regardez, allez-y. Par jour. Mais ça, c'est parce que je sais pas si ça, c'est pas en moyenne. Est-ce que t'as des moyennes? C'est une moyenne ou pas? C'est plus que ça. Ouais, c'est en moyenne. 8h30 par jour. Oh là là. Mais il y a 12 heures par jour. Ah non, dis-moi. C'est 24 heures. Quoi? Ouais, mais bon, on dort à un moment comme ça. C'est un tiers de son temps. C'est un tiers du temps. Waouh. Mais si elle était payée, ça ferait un temps plein. Alors, on se classe. Aujourd'hui, j'ai utilisé 3 heures. Ah, bien. Aujourd'hui, j'ai utilisé 3 heures. C'est bien, ça va me faire relativiser par moment. Mais comme tu vas le consulter cette nuit, aujourd'hui, t'as fait combien? Moi, aujourd'hui, j'ai les vacances à Rostable. Vous regardez la moyenne, on essaie de se classer. Vous vous mettez par ordre du plus mais au moins par jour ou par semaine? Non, par jour. Par jour j'ai passé en moyenne. Combien? Une heure. Alors, peut-être que tu vas aller de l'autre côté parce que c'est pas beaucoup. C'est à mon avis qui est. C'est vraiment pas beaucoup. Les filles, beaucoup de temps, c'est ici là. Beaucoup de temps, c'est plus, c'est là. Alors, toi, c'est combien? Moyenne, non, une heure, c'est beaucoup de temps. Ça sera plutôt là-bas, je pense. En fait, faut. Mais si, je lui dis. Mais combien? Est-ce que t'as 12 heures? Moi, c'est plus que 12 heures. Ouais. Et alors, moi, je suis bizarre. Oh. 12 heures par jour, ouais. Alors, on classe. 30. 34 minutes, 1 heure. Toi, t'es à combien, tu sais? 1 heure. 1 heure? Alors, une heure, c'est par là, alors. Parce que vos parents, ils font la... C'est grand, non? Bah, ça dépend. C'est... T'es à combien, toi? Ouais, par jour. T'es à combien, toi? 8 heures. Ok. Un plus? 10. 10. Et toi, par là aussi? Par jour? Ouais. Quand j'ai école ou pas quand j'ai école? En moyenne, en moyenne. Vers 9h. Ok. Et voilà. 8h. 8h là. 8 là. 8, qui c'est qui a été 8? Toi? Tu viens, Saden? Après 10. Et là, les filles? On est là, ok. Ben. C'est bien de se rendre compte des choses. Ok. C'était tout pour les petits jeux de présentation. Voilà. Maintenant. Mais non, je suis en cuisine. On va faire. Oh là là. On va faire un petit quiz maintenant. On va mettre les chaises en cercle et puis on va s'asseoir si vous voulez bien. Le quiz. Tu veux que je prenne le micro ? Le quiz, on va faire. Un petit quiz. C'est bon les filles ? Un petit quiz. Pareil, c'est pour aller vite. Petit quiz de vocabulaire. Il y a des mots qui... De vocabulaire. Il y a des mots qui arrivent là. Vous allez nous dire si vous connaissez. Est-ce que... C'est pas sur Snap, ça, c'est les filles. Mais non, mais figure. Mais figure, c'est pas... C'est les filles qui font du sport. Ils font du sport, c'est tout. Ouais. Non. C'est le sport de filles. Sport de filles. Alors, définition officielle trouvée sur Internet. Veut dire fille en forme, ce sont souvent des femmes fortes, musclées, avec un corps tonique, une vision qui va à l'encontre de certains standards de beauté qui prônent la maigreur. Elles ont un mode de vie sain, healthy, et sont fières de ce qu'elles accomplissent. On les trouve beaucoup sur... Instagram. Ouais. Ouais, Instagram. C'était sûr. Voilà, c'est comme ça. Pas photo, hein, par hasard. Faut se battre. Ah, c'est les meufs qui se font des trop belles photos. Ouais. À la My Baguenham et tout. Ça, c'est moi, ça. Voilà. Tu peux redire? Post-bad, vous savez ce que post-bad? C'est? Post-bad? Bah ouais, c'est genre quand tu prends des photos et tout. Genre. T'as les chroniques? Ah! Elles sont photogéniques en fait. Ouais, elles sont ouais. Et on les trouve sur Instagram. Elles sont grave tendance. Non, sur Snap okay. Aussi. Les post-bad, on les trouve sur Insta. Alors, c'est la même chose. Non, si. J'ai trouvé, moi, j'ai trouvé la définition. Une jeune femme qui diffuse très régulièrement sur Instagram des photos d'elle-même dans lesquelles on voit son physique apparaître comme parfait. Et pour lesquels les poses peuvent être un peu suggestives. Oui, mais c'est ça. En fait, tu en as, ils sont pas. Non, pour moi, c'est pas du si tout. Si tu traduis la. Ah, bah, c'est mauvais, c'est une façon de prendre. Je sais pas, moi, vers la main. On sourit pas et on est très neutre. Ah ouais. Un peu en mode ouais. Je me la pète un peu hautain, quoi. Genre ah un ouais. Peu, on lève le menton ou je sais pas, tu vois, des choses comme ça. Genre rien à voir. Hein? 2, 3. Parce que si tu traduis post-bad, bad, c'est mauvais, donc tu postes un truc plutôt négatif. Oui, pour moi, c'est dans l'expression faciale en fait de post-bad. D'accord. Troisième mot. Ok. Ouais. Alors là, pas du tout. J'ai vu sur France TV slash, mais j'ai vu qu'il y en avait deux, je ne sais plus lequel. Le premier, c'est quand en fait tu passes tellement de temps sur les réseaux sociaux qu'en fait tu développes une sorte de déprime. Parce qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, on montre toujours le meilleur. Du coup, ça fait qu'on a un peu ce truc psychologique de dire mais ma vie, elle est pourrie à côté des autres. Ou par exemple, on a été invité à une sortie, mais on n'y est pas allé. Du coup, on a ce truc de oh, ils ont mis des photos, ils ont l'air de tellement s'amuser. Et moi, je suis là et je suis seule. Oui, le deuxième, c'était quoi? Prochaine. Wow. C'est quoi le deuxième? C'était le contraire en fait. C'était l'autre phase de dire, de montrer que quand ça va et de. Alors en fait, c'est fear of missing out. Ouais, voilà, la peur d'avoir manqué quelque chose. Voilà, exactement. Donc, c'est le besoin un peu compulsif d'aller tout le temps vérifier sur le téléphone si on n'a pas loupé un message, une notification, quelque chose, une mise à. Voilà, qui nous ferait passer à côté de quelque chose. Et donc, ça. En fait, on développe vraiment des comportements un petit peu sans réfléchir, quoi, c'est impulsif. Voilà, est-ce que vous connaissez ce terme-là? Ah, c'est quoi ça? C'est même pas français! C'est Snapchat, ma chérie, c'est français! J'ai changé de visage! Bravo! Alors, la dysmorphie Snapchat, c'est un véritable trouble qui est apparu. Et en fait, c'est un trouble psychologique causé par l'utilisation des filtres et autres masques virtuels sur différentes applications. À force de voir ton visage transformé, et ben il y a des personnes qui ont des complexes et donc qui veulent ressembler à leur filtre. À Alors filtre, exactement. Et qui demande c'était malade. Je suis très belle comme ça, ma chérie. Oh, malade. Ah, super, mais il ouais. Et c'est juste ce qu'elle a fait. Ah, c'est quand tu passes ta vie à faire des selfies, non? Ouais, exactement. Ah, c'est vous savez, hein. Non, mais j'ai halluciné. Vous savez qu'il y a des accidents mortels tous les ans à cause de gens qui se prennent en selfie et donc ils tombent dans le vide où ils sont écrasés parce mais il faut pas abuser. Ils regardent. C'est vrai. Il faut pas abuser quand même. J'avais vu une histoire d'une fille comme ça. Elle avait pris un selfie, elle l'a reculé. Oui, non, mais c'est tout le temps ça. Comme ça, il faut pas abuser jusqu'à. Non, ouais, mais quand t'as un, alors, trois petits derniers là. Comme ça, il ça veut dire quoi? Je sais même pas parler français, il y a des trucs. Ça veut dire chewing gum, je crois. Ouais, c'est... Non, mais qui c'est qui a le micro juste? Qui c'est qui a une idée? Slut, c'est. Oui, ouais, slut, c'est donc. Il y en a certaines qu'on n'a jamais osé dire. Il y en a d'autres qui l'ont dit. C'est quoi? Pendant les enregistrements. Une insulte. C'est salope. Salope. Hein? Shaming, la honte. Oh la slut! Oui, la chouma! Alors, le slut shaming, vous savez ce que c'est? Non. Mais en anglais, il y a bitch aussi. Il y a bitch. Tu connais pas. Fuck you, bitch. Oh, mais quand il y a des gens, ils disent ça, ça veut pas dire plage. Non, fuck you, bitch. Bah oui, mais elle m'a dit bitch avec plage. Mais ça, il y a deux, ça va être deux. Espèce de rouge. Bitch, c'est un chat. Donc le slut shaming. Non, il va pas dire. On écoute Audrey. Dans la plage. Je rêve. Du coup, en fait, le slut shaming, c'est quand on fait culpabiliser quelqu'un d'un comportement ou d'une façon dont il a, enfin, elle, souvent, dont elle a de se tenir en lui disant t'es une salope, t'as mis une mini jupe, tu te postes sur les réseaux sociaux avec une mini jupe. C'est un peu du cybersexisme en fait. Hein. Okay. Voilà. Ensuite, on va peut-être passer à vrai ou faux. Est-ce qu'il existe un lien entre suicide des ados et réseaux sociaux? Les haters sur TikTok. Mais vas-y. En fait, pendant longtemps, les haters, ouais. Et pendant longtemps, les chiffres du suicide chez les ados ont baissé parce qu'il y avait eu toute une politique qui avait été mise en place pour permettre aux ados d'aller bien. Et depuis l'apparition des réseaux sociaux, les chiffres sont en grosse augmentation. Et notamment, il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni qui dit que pour les ados qui passent plus de 5 heures par jour, ça me rappelle le petit... sur les réseaux, il y a vraiment 66% de chances de risque en plus de suicide chez ceux-là. Voilà. Et par rapport à quelqu'un qui y passe une heure. C'est quoi le chiffre que t'as dit? Comment ouais. Une heure. En plus, tu n'as pas le temps les cours. Ouais, mais après les cours. Non. Vous êtes sûr, vous êtes pas sur Instagram. Mais ça se voit, voilà qu'elle va avoir un bon travail. Alors, là, regarde ça. Moi, je suis un peu, ouais. Alors, lorsqu'une personne a une réputation, c'est qu'elle a dû le chercher. Hein? Voilà que c'est pas vrai, ça va pas ou quoi? De quoi? Mais c'est lorsque pas vrai, ça. Personne a une réputation, c'est qu'elle a dû le chercher. Non. Non. Et le petit est fou? Oui. Je suis embêtée. Ah, tu me choques. Je suis d'accord, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Non, mais elle me choque. Et Louis, c'est fou? Joker, moi. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Oh là, non. Ok. Oh, il y en a une qui a quelque chose. Déjà, c'est pas mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que vous êtes toutes d'accord? Bah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des filles qui ont rien demandé, ils sont dans leur coin. Ah, t'es une pute, ça va pas ou quoi? Ok. On est 100% ok avec ça. Lorsque. Deuxième question. Lorsque je reçois une information sur une personne que je n'aime pas, c'est dur de ne pas la diffuser. C'est quoi ça? Hein? Mais non. Imagine, tu reçois une info sur quelqu'un que tu n'aimes pas. Et alors, qu'est-ce que tu en fais? Mode. Tu gardes pour toi ou tu fais les passer? Ah, mais non, mais arrête. Viens avec toi, non, ouais. Soyez honnête. Oui, c'est dur. Pas. Oui, c'est dur. Après, ou non, c'est bah, ça dépend. On peut trouver ça dur et le. Moi, je suis pas en fait, ça dépend. Diffuser, c'est les réseaux sociaux ou ça? Ouais, par exemple, ou en parlant à quelqu'un. Moi, par exemple, j'ai entendu quelque chose sur quelqu'un que j'aime pas, je voulais le dire au moins à quelqu'un. Mais après, c'est ma meilleure amie. Ah, mais le diffuser sur internet ou le jour entre nous? Ça peut être entre vous. Allez, voilà, mais voilà. on a arrête de faire les portraits. La question. Il y a personne qui regarde pour lui. La question c'était pas. Je vais le dire au moins une autre copine. La question c'est pas. Est-ce que vous le gardez? C'est. Est-ce que. Moi je les affiche. La question c'est pas. Est-ce que je le garde pour moi? C'est. Est-ce que c'est difficile de garder pour moi? C'est pas pareil. Donc c'est pas difficile pour toi de garder pour toi. Si. Donc tu peux te mettre là-bas. Non mais c'est marrant. T'es d'accord. C'est pas grave. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu entre les deux questions le lien qu'il peut y avoir? Il n'y a pas de lien. Bah, à ton avis, quand on diffuse quelque chose sur quelqu'un, ça fait quoi à la fin? Mais ça fait une réputation. Oui, mais non, mais. Quoi, une rumeur? Une réputation. Oui, c'est. Ça peut faire une mais réputation. Mais non, mais ça peut pas. Mais elle répète. Pas dans le but de faire pas, une réputation. On raconte juste à une copine oui, et on ça, sait que. C'est pas dans le but de la copine, peut-être qu'elle va. Juste bah non, parce que je raconte à ma copine, je sais que c'est une personne de confiance et qu'elle le dira pas. Vas-y. Bon, après. Et tu l'as reçu d'une personne de confiance aussi qui pensait qu'il ne le dirait pas. Tu vois, peut-être. Ouais, non, mais enfin, vas-y. Là. En tout cas, il y a un lien entre ce que nous, on trouve qui n'est pas acceptable pour nous et ce qu'on peut se permettre de faire pour les autres. On n'est pas toujours cohérent, quoi, les deux. C'est ce que j'essayais de. Mais on est tous pareils, hein, mais. Voilà. Et Clarisse, toi, oui. Tu t'es mis contre. C'est-à-dire, tu diffuses pas. Espèce de menteuse, viens ici tout de suite. Ouais, grave, méthode. Arrête. Là, tu mens, là. Sonnette, là. Kindem. Alors, si j'ai une réputation, je vais tout faire pour qu'elle s'arrête, quitte à changer mon comportement. Là, je m'en bats les couilles, je vais changer mon comportement. Alors, ça, c'est d'accord, ça veut dire que là, j'avoue quand même, parce que là, après. En gros, si j'ai une réputation, je vais tout faire pour qu'elle s'arrête, quitte à changer mon comportement. Mais même en fait, t'auras pas changé ton comportement. Alors, ça veut dire. Enfin, ça veut dire que d'accord, toi. Tu vas tout faire pour que ça s'arrête, la réputation. Non. Bah non, c'est pas. Enfin, si, mais. Si. Mais genre, en fait, t'auras beau changer de comportement, mais comme ça, t'as une réputation de pute parce qu'ils voient que ça parle plus de toi. Ah, respire, c'est bon, cousine, on parle pas de toi là. Arrête, ne touche pas là, c'est du blanc. C'est tendu là. Elle fait la liquide. Elle est malade. Alors, aïe aïe aïe, je vais vous tuer. Donc, là c'est pareil, il y a un petit lien aussi. Vous étiez toutes d'accord pour dire que vous étiez. C'était pas forcément la personne qui avait une réputation qui était responsable de, par ses comportements du fait qu'elle a une réputation. Pour autant, vous pensez toutes que si ça vous arrive, vous changerez votre comportement. Ça va pas encore. Ouais, mais si on se rangerait, genre. Mais si t'as rien fait, si t'as rien fait, oui. Bah ouais. Ouais, bah non, alors t'as le droit de changer d'avis, Mélissa, t'as le droit. Si t'as rien fait, tu continues comme ça. Bah, tu changes alors pas de comportement. Mais parce que t'auras beau changer ton comportement. Non, mais si, en gros, en mode, imagine, j'ai rien fait. Genre, il faut que ça va plutôt dans le quartier. Moi, je vais inventer d'autres choses, tu vois, parce que t'es plus calme, tu es plus discrète. Donc, discrète. Donc, respire. T'auras beau être discrète. Voilà, exprime-toi, c'est bien. On t'écoute, Larisse. Okay. Et donc, toi, pourquoi tu t'es mis là? Dis-nous, du coup. Tu changes pas ta personne Bah ouais, pour les autres, en fait. Voilà la raison. Genre, c'est toi-même. Mais après, c'est toi, c'est bien. Mais voilà, c'est bon, là, vous m'avez tous éliminé. Pour toi, si toi, ça t'arrive, t'es pas... Voilà, ça te concerne, toi, t'es pas... Ok. T'as quelque chose à dire, toi? Non, mais du coup, ça a été dit. Parce que là, c'est vrai qu'on a pris l'exemple de si j'ai rien fait. Mais en admettant que tu l'aies fait... Bah, je change pas, je m'en fous. On est d'accord. Ouais. Parce qu'il y avait avec les filles, on avait fait une soirée débat un jour et vous aviez dit un truc qui m'avait marqué, c'est que apparemment sur TikTok, elle allait aux patinoires, c'est comme. Et vous m'aviez dit, vous m'avez dit. Aller aux hommes. Zéma, tu vas aux patinoires, tu vas faire la pute. Ouais, BD. C'est quoi, c'est aller aux patinoires? Bah la patinoire, parce qu'il y a que des pelés en ce moment, la patinoire. Ah ouais. Il y a tous les gens de Mérante Lopé là-bas. Ils envahissaient la planète. Oh ça va pas. Il y a de tous les quartiers. Et donc vous avez arrêté d'aller à la patinoire parce que. Non. Mais ça va pas là. Moi j'ai arrêté d'aller à la patinoire parce que. Ils sont là. Un zoo. Bon, là, c'est vrai! Et puis même, tu vas pas changer pour les autres, tu vas pour toi, pas pour les autres. Voilà! Alors, allez, tous vous tous! Prochaine question! Alors, aujourd'hui, on ne pourrait plus vivre sans les réseaux sociaux. D'accord, pas d'accord. Ouais, j'avoue. Non, pas d'accord. Non. Pas d'accord. Pas d'accord parce que tu... En fait, non, je suis pas d'accord. Tu dis quand même. Mais... Oh, tu dis, tu peux pas. Hein, tu peux pas aller avec ça. Merci, merci. Ah, c'est vrai, attends, quand j'étais gamine, je vivais sans vous. Ouais, donc avant cet appétit, je vivais très bien. Il y a longtemps, ça. Mais oui, mais. Mes parents, et pourtant, ils avaient pas ces tout. Alors, il y en a qui se sont mis dans. D'accord. En vrai, au milieu, vous êtes des malades. Vous seriez capable de sans les réseaux sociaux. De vivre sans ? Oui. Non, de pas vivre. Aujourd'hui, ah, c'est je ça, ne hein. pourrais, on ne pourrait plus vivre sans les réseaux sociaux. Ah oui, donc vous, vous trouvez qu'on ne pourrait plus vivre sans les réseaux sociaux. Mais et donc vous, vous pensez qu'on pourrait vivre sans les réseaux sociaux ? Moi, je suis.